Philippiens 4, une courte lettre et pourtant tellement pleine d'enseignements. Et quelque part, je crois que cette lettre, elle est si riche d'enseignements, parce qu'elle est facile à recevoir, dans le sens où elle est écrite avec beaucoup d'amour. Paul avait une grande affection pour les gens de l'église de Philippe qu'il avait aidé à implanter. Et on sent tout cet amour, toute cette affection qu'il a pour eux, ces sentiments pleins de joie, rien qu'à l'idée de penser à eux. Et c'est drôle, mais quand on pense à quelqu'un pour qui on a de l'amour, du respect, nos visages s'illuminent. Tout à l'heure, c'était bien d'être ici. C'est dommage, j'aurais dû prévoir une photo. Mais quand j'ai prononcé le nom de Georgette Zanou, les visages se sont détendus. Et si j'avais eu des paroles de correction de Georgette en vous disant, vous de Calvary-Chapelle, soyez à l'heure, vous l'auriez bien reçu. Et Paul, là aussi, on sent qu'il déborde d'affection et il peut dire des choses un peu difficiles. Cette église, c'était pas une église Calvary-Chapelle, donc elle n'était pas parfaite. Voilà, il y en a qui ont compris la plaisanterie. Aucune église d'abord n'est parfaite, pas plus Calvary que les autres. Vous le savez bien. Mais cette église, elle s'est forcée de faire des choses justes. Et Paul essaye de corriger les problèmes dont il a eu vent. Il y avait des disputes entre deux femmes influentes de l'Église, et il les reprend, et puis il leur rappelle encore une fois qu'un chrétien triste, ce n'est pas un vrai chrétien. Alors ça ne veut pas dire, et je vais vous dire tout de suite, n'allez pas vous culpabiliser si aujourd'hui, ce n'est pas la forme. Si aujourd'hui vous êtes un peu déprimé. Le grand prédicateur Charles Spurgeon au XIXe siècle venait souvent séjourner dans notre belle région ensoleillée. Pourquoi ? Parce qu'il souffrait, de dépression. Et quand on voit ses écrits, quand on connaît l'influence qu'il a eue, on se dit que la dépression en elle-même n'est pas un péché. Ça peut être une conséquence physique, hormonale, qui dépend de la chimie de notre corps. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de honte à recourir à la médecine. Mais le chrétien, à la base, il doit avoir cette joie profonde dans son cœur. Ça ne veut pas dire encore d'avoir un sourire béat. On vous tape dessus, vous tendez l'autre jour en souriant, c'est presque un peu ce que Jésus a dit, parce qu'il veut corriger notre tendance à tout de suite monter sur nos grands chevaux et vouloir avoir des représailles. Mais la joie du Seigneur, c'est notre force. Si nous ne sommes pas joyeux, nous pouvons prêcher tout ce que nous voulons, nous pouvons évangéliser tout ce que nous voulons, ça ne va pas toucher les choses. Il faut que les gens qui sont autour de nous aient envie de ce que vous avez. Alors la première question, c'est l'avez-vous vraiment ? Est-ce que vous êtes vraiment rentré dans cette relation avec Jésus qui fait que, quelles que soient les conditions, au fond de votre cœur, il y a la paix. Au fond de votre cœur, vous vous dites « je ne suis pas seul ». C'est difficile, mais ce n'est pas la fin du voyage. C'est difficile, mais Dieu est avec moi. Dieu ne nous a pas promis de nous épargner les souffrances, les épreuves, il nous a simplement promis d'être avec nous et de nous mener avec lui de l'autre côté où nous serons pour toujours dans la félicité éternelle. Rien que le mot, ça vous donne plus envie d'y aller. La félicité, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un mot religieux. C'est la joie, tressaillir d'allégresse, d'être tout le temps content. Hier, il faisait une journée superbe. On serait cru venu au printemps. J'ai pris le temps d'aller me baigner. L'eau était fraîche. Le ciel était bleu, pas froide. Juste ce qu'il fallait pour moi. Et je remerciais le Seigneur. Je tressaillais d'allégresse. Et ça, c'est encore une fois, c'est l'index, ces choses-là. C'est l'index de Dieu qui nous dit, il y a quelque chose qui vous attend, qui est des millions de fois mieux. Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, l'index. Vous vous souvenez de ce pasteur qui disait, lorsqu'il montrait la pâtée à son chien sautait, léchait son doigt. Et nous, nous sommes comme ça, nous ne voyons pas qu'il y a une joie éternelle qui nous attend. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas dans vos circonstances. Il le répète, je le répète, réjouissez-vous. La joie, c'est l'hymne à la joie, cette épître. On doit être connu par notre douceur. On n'est pas là à taper du poing sur la table pour faire reconnaître nos droits à tout bout de champ, à préserver nos acquis, à préserver nos avantages. Non, on fait confiance à Dieu. Et surtout, on a appris la semaine dernière, t'inquiète. T'inquiète. Ça, c'est l'accent de Sydney, c'était un voisin qui venait de Marseille. Il avait l'habitude d'interrompre le sermon en disant « Allez l'OM !» Mais il disait « T'inquiète, pas de soucis, on dit maintenant, c'est à la mode. Oh, il n'y a pas de soucis, souvent il y en a. T'inquiète, mais quoi ? Mais prie. S'il y a une pensée d'anxiété, une pensée, toute pensée, tout moment passé dans l'anxiété est une perte de temps. Pourquoi ? Parce qu'à la place de cette anxiété, Dieu vous appelle à prier. Vous avez peur de quelque chose ? Vous pouvez vous choisir de vous morfondre, de vous faire un cinéma d'enfer, c'est le cas de le dire, ou bien vous pouvez choisir de prier. Aujourd'hui, on va voir au verset 8 et 9 que Paul continue dans cette même idée. Il nous promet la paix, il ne nous promet pas la réalisation de nos prières, mais lorsque nous pouvons nous décharger de nos soucis sur lui, comme nous y invite l'apôtre Pierre dans ses épîtres, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, nous dit-il. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, on ne peut pas l'expliquer. Les gens qui viennent du dehors ne peuvent pas comprendre. La paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Cette paix du Seigneur, elle va monter la garde devant votre cœur, devant vos pensées. Et souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur nos pensées. À quoi tu penses ? À ça. Et pourquoi tu penses à ça ? Je sais pas, c'est comme ça, je pense à ça maintenant, et puis m'embête pas. Généralement, on a l'impression d'être impuissant face à ce qui se passe dans notre petite cervelle. Lisons ce que Paul nous dit. Au reste, verset 8, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et puis il ajoute, ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul continue à nous donner des exhortations très pratiques. Ça, c'est pas un passage à prendre à la légère en disant « oui, je connais ». Méditons ces passages. Regardons-les de près. Ça, c'est... Encore une fois, on vit dans le pays qui prend le plus de drogues psychotropiques. C'est vrai que notre système social a évolué, avancé, rembourse ces médicaments. Donc, on y va à pleine bouteille, à plein flacon. Encore une fois, il y a des moments où ces choses sont nécessaires. Mais il y a tellement d'automédication, de gens qui prennent des calmants pour éviter les soucis, éviter de déprimer. Alors que là, on a des enseignements tellement pratiques et tellement efficaces aussi. Encore une fois, j'aime le répéter parce que je ne voudrais pas, surtout pas donner cette impression que j'ai tout compris, que je maîtrise parfaitement toutes ces choses. Mais lorsque j'aborde ces passages, quelques semaines avant que je les lis, je commence à y réfléchir, je vois combien ces enseignements m'aident personnellement. Et quand j'ai une pensée d'anxiété, je dis, c'est une perte de temps, prie, et je peux prier. Est-ce que vous savez que 98% des choses que vous redoutez n'arriveront jamais? Si vous redoutez la mort, ça fait partie de ces 2% qui vont arriver. Désolé, je vous le dis tout de suite, hein. Pas d'immortalité. Mais tous les soucis que nous nous faisons à longueur de journée, quand nous regardons en arrière, vous avez remarqué que quand on regarde en arrière, on parle du bon vieux temps. Ah, c'était bien à l'époque. Ah, quand je préparais le bac, j'avais pas de soucis, juste mes études. J'avais pas les impôts, j'avais pas l'entretien de la maison, j'avais pas les gosses, j'avais... Ah là là, si je pouvais revenir en arrière. Mais vous qui êtes avant le bac, là, ça stresse, peut-être. Pas besoin de stresser. Priez, bossez, faites de votre mieux, mais remettez tout au Seigneur. Et là, ce passage que vous connaissez tous, que vous avez déjà essayé de mémoriser... Un conseil, c'est lorsque vous mémorisez, adoptez une version, une traduction de la Bible, et n'en départez pas. Parce que les mots qui sont traduits ici dans un certain ordre, dans une autre version, ils vont être un peu différents, et vous allez vous décourager et rien apprendre du tout. Le mieux, ce serait d'apprendre les mots grecs, et c'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez les écrire en phonétique et savoir ce qu'ils veulent dire. Dans ce passage, Paul nous rappelle qu'on peut exercer un contrôle de nos pensées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans l'enseignement du Nouveau Testament. Paul lui-même... On l'a vu en étudiant 2 Corinthiens, si vous voulez vous tourner dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire dans la vieille nature, ce n'est pas seulement dans nos muscles et nos os et notre système sanguin, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. On a déjà vu ce passage, on ne va pas faire une étude exhaustive, mais Paul nous appelle encore une fois à vivre sur un autre plan que le plan purement humain, séculier, qui rejette Dieu. Nous vivons dans un corps qui a été affecté par le péché. Nous avons en nous une vieille nature de pécheur. Mais si nous sommes chrétiens, nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il y a un combat. Galates 5, 17 nous disait qu'il y a, cette tension entre l'esprit et la vieille nature, entre l'esprit et la chair. Mais nous avons des armes pour gagner ce combat, des armes qui sont puissantes. Ces armes, c'est notamment la prière, c'est évoqué ici, et c'est pour renverser des forteresses. Il y a dans nos vies, dans nos intelligences, des forteresses, des choses qui résistent à Dieu et à son influence. Et par ces armes, on peut renverser ces raisonnements. Et toute hauteur, toute fortification, toute muraille qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Lorsque on vous apprend que la théorie de l'évolution, c'est plus une théorie, c'est un fait, on élève dans votre esprit une forteresse qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Pourquoi ? Vous dites, bon ben, si en fait on peut expliquer le monde et comment nous sommes sans Dieu, pourquoi s'embêter avec Dieu ? On a vu que, encore une fois, que la foi en Dieu, ça dépasse les clivages politiques. On a cité Jean Jaurès, le grand tribun socialiste, qui, parlant de la Bible, disait que c'était un livre fantastique. C'est un livre qu'il fallait connaître, c'est un livre qu'il fallait enseigner, qu'il fallait apprendre. Allez demander maintenant la permission de présenter un spectacle chrétien dans les facultés. On arrive encore à avoir des amphis par le GBU, et encore le GBU, c'est limite. Dans certains endroits, il n'est pas question d'avoir de salle. Tous ces gens qui se réclament des fois du socialisme, du marxisme, et qui pensent que si on est progressif au niveau politique, si on est plutôt gauchiste ou gauchisant ou socialisant ou au centre plutôt gauche, qu'on doit rejeter Dieu, c'est de la stupidité absolue. Il faut faire éclater ces murailles avec la charge de TNT de l'Esprit-Saint et de la parole, de la vérité de la parole. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Ça veut dire qu'on a un contrôle sur ce que l'on a dans notre tête. C'est Luther qui disait « Vous ne pouvez pas empêcher des hirondelles de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez empêcher ces mêmes hirondelles de faire leur nid dans votre chevelure. » Moi, ils auraient des problèmes. Mais ça veut dire qu'on n'est pas victime impuissante de ce qui se passe dans notre tête, dans nos pensées. Là, il nous dit que ces armes puissantes, elles nous permettent d'amener toute pensée captive à l'obéissance au Christ. J'avais un ami qui disait que là, il voyait dans cette image, vous avez peut-être vu les émissions d'Interville, où il y a les lancers de vachettes, les petites vaches, les petits taureaux qui sont libres de courir dans une enceinte. Et là, les gens peuvent se battre avec eux. Les plus forts arrivent à faire tomber ces vachettes. Et il y a un combat qui se déroule. C'est presque comme du rodéo. Ils doivent prendre la bête par les cornes. Et à la fin, s'ils sont assez forts, ils arrivent à mettre les cornes par terre. Et ils disaient, c'est ça, c'est prendre une pensée, et des fois elle peut se débattre, des fois elle est très forte, mais il faut la mettre à plat devant Christ, devant l'obéissance à Christ. Encore une fois, si Dieu nous donne des ordres, si Dieu nous demande des choses, c'est qu'il nous donne aussi la possibilité de faire ces choses. Il n'est pas un Dieu cruel qui nous dirait de faire des choses pour nous frustrer. Sauf avec tout l'Ancien Testament. La loi, les 10 commandements, Et la Bible nous le révèle. Ce n'est pas fait pour qu'on y obéisse parfaitement et qu'ainsi on obtienne l'amour, le respect, l'acceptation divine. C'est fait pour nous montrer qu'on n'y arrive pas tout seul. On ne peut pas être parfait comme notre Père Céleste est parfait, et c'est pourtant le commandement de Jésus à ses disciples et à nous. Mais par Jésus-Christ vivant en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. À ce moment-là, je peux devenir de plus en plus comme lui. Je peux devenir de plus en plus parfait au sens terrestre. Je vais toujours pécher si je dis que j'y suis arrivé. Paul lui-même, nous l'avons vu dans cette même lettre, disait « J'ai pas encore atteint le sommet, mais je continue, je presse, je fais tous mes efforts, je laisse derrière les échecs, les choses, et je cours vers la vocation céleste en Christ Jésus. » Amenons toute pensée captive. Donc on peut voir dans ce, revenant à Philippiens, on peut voir dans ce passage une façon de fixer nos pensées sur des choses qui ont ces caractéristiques que nous allons regarder un peu plus en détail. On disait à l'époque de Pascal, la nature a horreur du vide. C'était pas exactement la réalité scientifique. C'était pas la réalité scientifique, mais c'est une réalité mentale. Nos pensées ont horreur du vide. Alors il y a des techniques où on essaye de vider sa pensée de toute pensée, et c'est très frustrant. C'est le zen, le bouddhisme. C'est très dangereux aussi, parce qu'on sait, en connaissant la Bible, qu'il y a des esprits. Il y a des mauvais esprits, et quand un esprit est vide, ils ont la place pour y venir. Donc ne jouez pas avec ces méditations qui consistent à faire le vide. Ce n'est pas la solution que nous donne la Bible par l'apôtre Paul. On raconte qu'il y avait ce célèbre évangéliste américain Dale Moody de Chicago qui aimait bien prendre un pichet, une bouteille vide, et il demandait à son auditoire comment est-ce qu'il faut faire pour enlever l'air de cette bouteille. Et les gens commençaient à réfléchir. Ah, monsieur, j'ai une idée. Oui, mais vas-y, et c'est simple, on met une pompe à vide et on la met sur le goulot, quoi, et on fait le vide. Et Dale Moody dit, non, ça va pas marcher, si c'est vide, ça va claquer, la bouteille va claquer. Et les gens essayent de trouver des idées. On fait brûler une bougie. Oui, c'est vrai, ça va prendre un peu d'oxygène, mais rapidement, il va y avoir toujours de l'air, à forte proportion de gaz carbonique, un peu d'azote, mais il y aura toujours ces éléments, ça ne sera pas vide d'air. Finalement, il sortait un pichet d'eau et il remplissait l'autre bouteille avec de l'eau. C'est ainsi que l'air était chassé. Nos pensées, c'est la même chose. On ne peut pas attendre d'avoir fait le vide dans notre tête. Si on essaye de faire ça, ça va casser. Il va y avoir des mauvais esprits qui vont nous faire des trips, des voyages bizarres. Par contre, on peut choisir ce qu'on met dans notre tête, ce qu'on ingurgite. La pensée est tellement puissante. Le communisme est né d'une pensée. L'automobile est né d'une pensée. Vous êtes né d'une pensée. Un désir dans la tête de vos parents. Les pensées, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a une expression qui dit que si vous semez une pensée, vous allez récolter un acte. Si vous semez un acte, vous allez récolter une habitude. Si vous semez une habitude, vous allez récolter un caractère. Si vous semez un caractère, vous allez récolter une destinée. Ça commence toujours par une pensée. D'où l'importance d'exercer le plus grand contrôle sur ce que je pense. J'aime bien l'approche qu'un pasteur français utilise pour dire que ces versets 8, c'est comme un filtre. Quelqu'un a dit que ce verset, c'était aussi la meilleure biographie possible de Jésus-Christ. Il est vrai, il est honorable, il est juste, il est pur, il est aimable, il mérite l'approbation, il est vertueux, il est digne de louange. Pensons à lui. L'autre approche, c'est de se dire que, en fait, on peut choisir, bien sûr, de contrôler nos pensées, mais on est bombardé d'incitations à penser de telle ou telle façon. Les journaux, la publicité dans les rues, les médias, Internet, les films, tout veut nous faire penser comme ceux qui ont décidé. Je lisais un commentaire qui a été écrit en 1942. Et la personne disait que de penser par soi-même, c'est devenu une qualité rarissime dans notre société mécanisée. Il parlait en 1942. Internet, il n'y avait pas. La TNT, elle n'avait pas encore explosé. Il n'y avait pas d'email. Il n'y avait même pas de télévision. Juste des modèles expérimentaux dans les labos de recherche. Il y avait juste des enfants qui vendaient les journaux à la criée dans les rues. Il n'y avait pas de gratuit. Il y avait un peu de radio peut-être. Mais déjà, ils se plaignaient qu'on ne pense pas par nous-mêmes. On se laisse, on fait du déjà-pensé. La mode maintenant, c'est plus du sur-mesure, comment on dit, c'est du prêt-à-porter. Maintenant, on vous distille le prêt-à-penser. On vous dit que c'est très bien de mettre vos économies dans tel ou tel montage génial qui a fait ses preuves. Puis quand c'est la débandade, tout le monde se débande. Il n'y a plus personne, aux abonnés absents. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend plus le temps de penser par nous-mêmes ou de penser selon la Bible. Et donc, ce pasteur disait que quand on est bombardé par toutes ces pensées, ces idées que l'on soumet à notre réflexion ou à notre approbation, il fallait les passer au filtre. Et ça voulait dire que quand j'ai une pensée qui me vient à l'esprit, je dois me demander d'abord, est-ce que cette pensée est vraie ? Ou est-ce que c'est une pub ? Est-ce que c'est un gros mensonge ? Ce qui est dangereux, des fois, c'est qu'on sait que les mensonges de la pub, c'est des exagérations. Mais la part de vérité qui nous séduit, elle vient partie de nous-mêmes. Proverbe 23:7 dit qu'un homme devient tel qu'il pense. Un homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Est-ce que cette pensée, est-ce que cette idée est vraie ? Est-ce qu'elle est véridique déjà ? Réelle dans le sens que c'est pas juste ou faux, mais est-ce qu'elle a ce caractère d'authenticité ? Comme on dit d'une personne, elle est vraie, elle est authentique. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite, qu'elle ne dit pas des bêtises, mais il y a quelque chose d'attirant dans le fait qu'elle ne fait pas de détour. Est-ce que cette chose dont on me parle, est-ce que c'est une pensée de vérité ? Est-ce que c'est une pensée selon la vérité ? Ta parole est la vérité, Jean 17, 17. Jésus est le chemin, il est la vérité et la voie. Il est la vérité lui-même. La vérité, ce n'est pas un concept philosophique, c'est une personne. Est-ce que cette idée, Jésus serait d'accord pour l'adopter ? Ou est-ce qu'il nous dirait non, tu ne chercheras pas à t'enrichir ici-bas ? Et cette idée qu'on te fait croire que tu peux toucher du 20% en restant assis sur ta chaise longue, c'est du baratin. Je suis toujours sceptique des gens qui vous disent qu'ils ont trouvé une méthode pour vous rendre riche. Parce que, sérieusement, si cette méthode marchait, ils n'auraient plus besoin de travailler. N'est-ce pas ? Alors, ils peuvent peut-être le faire par bonté d'âme, mais généralement, c'est parce que ils essayent de profiter de votre crédulité. Merci, j'allais dire. Crédibilité. Ils ont manque de crédibilité parce qu'ils veulent profiter de votre crédulité. Et donc, est-ce que cette pensée est vraie ? Est-ce que de suivre cette mauvaise voie qui est condamnée par la Bible, d'aller vers le péché, est-ce que ça va vraiment m'apporter le bonheur ? Est-ce que cette idée de tromper ma femme, de mettre en péril ma famille, de mettre en péril la santé psychologique de mes enfants, est-ce que c'est vraiment... Ma pensée me dit, ça en vaut la peine, elle est tellement bien cette fille, ou il est tellement beau ce gars. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est un mensonge du diable ? Le diable, c'est le père du mensonge. Et donc, il est très fort pour nous faire avaler des couleuvres croyant qu'on va avoir la joie. Bien sûr, le péché produit un plaisir, mais c'est un plaisir très passager. C'est l'attrait de l'appât. Le poisson, il va sauter sur le ver parce qu'il se dit je vais me régaler. Et pof, il sent d'un seul coup la piqûre de l'hameçon. Il se retrouve en train de faire un arc de 180 degrés dans le ciel où il n'était jamais allé. Et pof, il tombe sur la terre. Il se fait mal. S'il avait su. S'il avait... Poser la question, est-ce que cette opportunité est vraie ? Est-ce que cette idée que je vais me régaler est vraie ou pas ? Deuxième filtre, donc ça va éliminer pas mal de choses. Et puis après, est-ce que cette idée est honorable ? Dans le sens où elle invite au respect, le vieux mot c'est « vénérable ». Est-ce qu'elle est digne de respect ? Est-ce qu'il y a de la majesté ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'honorable ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'aurais honte si les gens savaient ce que je pense ? Ça, c'est un deuxième filtre. Tout ce qui est honorable. Est-ce que cette idée... Donc ça va éliminer encore pas mal de... C'est un peu comme l'eau. Une image, c'est lorsque vous buvez de l'eau à votre robinet, la société des eaux, quel que soit son nom, Veolia ou Eolia, ou je ne sais pas quoi, elle prend des eaux usées. Ça, c'est les pensées qui viennent, qui vous bombardent tous les jours. Et puis ça flotte dedans, hein, c'est pas beau. C'est pas bon. Mais vous êtes là, vous nagez, vous seriez prêt à nager dedans. Non, la société des eaux va mettre des filtres en place. Les bassins de décantation en haut de Rimier, vous pouvez les voir, ils brillent au soleil. Il ne faut pas s'en approcher trop, ça sent bizarre. Ils vont se débarrasser des plus gros déchets, des plus grosses impuretés. Et puis après, ils vont, quand l'eau sera un peu plus claire, encore trouble, ils vont utiliser des procédés chimiques. Ils vont faire des filtres, ils vont mettre des produits chimiques qui vont causer ce qu'on appelle une flocculation. C'est-à-dire que des éléments vont s'agréger autour de ces éléments chimiques et vont tomber au fond de l'eau. Et ainsi de suite. Il y a toute une série de filtres, de purification, afin qu'à la fin, vous puissiez boire de l'eau qui est sans danger pour votre vie. De l'eau qui est bonne pour votre vie. Nous sommes composés de 80%, je crois, ou 85% d'eau. C'est pour ça qu'on, par manque de place, maintenant, on peut faire la crémation. Une grande personne, on n'est pas grand-chose. Il faut ajouter de l'eau. Si cette eau est impure, on va être malade. Si vos pensées ne sont pas filtrées, vous allez être spirituellement, moralement, même physiquement malade. Donc, on a déjà vu trois filtres, vrai, honorable. Maintenant, troisième filtre, est-ce qu'elle est juste, cette idée? Est-ce qu'elle est droite? Est-ce qu'elle est conforme au fil à plomb de la parole, prophète Amos? Ou est-ce que c'est, je sais qu'il y a quelque chose de pas très clair, et pourtant je vais choisir d'entretenir cette idée. Non, je dois dire si c'est pas clair, si c'est pas droit, si c'est pas juste. Ça va même dans l'absence de préjugés. Combien nous avons des préjugés au naturel? Préjugés, c'est comme prêt à porter. C'est prêt jugé. On s'est décidé à l'avance. Tous les gitans sont des voleurs. Comme ça, quand je vois un gitan, je n'ai pas à réfléchir, à apprendre à le connaître. T'es gitan, t'es voleur, je ne te parle pas. Tout ce qui est préjugé racial, préjugé national, ça vient de cette façon de penser qui n'est pas juste. Mais c'est vrai que plutôt que d'aller voir dans chaque cas si telle personne est une personne remarquable ou non, ça simplifie la pensée. On a des cases et on n'a plus besoin de réfléchir. C'est du préjugé. Troisième filtre. Quatrième filtre, est-ce que c'est aimable ? Est-ce que ça me conduit à aimer l'autre? Est-ce que c'est attractif? Est-ce que c'est capable d'inspirer de l'amour, de rendre chère la personne dont il est question? Oh, tu ne sais pas ce qu'elle m'a dit, qu'elle m'a fait? Je ne veux pas le savoir. Je sais que ce que tu allais dire n'était pas aimable. Ça aussi, c'est un filtre très puissant. Avant aimable, pardon, j'ai sauté un autre filtre très important, le filtre de la pureté. Est-ce que cette pensée est pure? c'est la pureté au sens le plus large possible, mais particulièrement au sens moral, au sens de non-impureté sexuelle. À l'époque déjà, les gens étaient bombardés de tentations à l'impureté sexuelle. L'homme se rebelle contre Dieu, Paul le décrit dans Romains, en adoptant des conduites, l'homosexualité, les tas de perversions qui sont impures et qui font mal en fin de compte, qui conduisent à l'adultère, au divorce, à la souffrance des nations. On vit dans une nation où maintenant, malheureusement, les mariages chrétiens ne sont pas exception. La moitié des mariages se termine par un divorce. On veut même plus se marier parce qu'on dit à quoi bon. Et ça, c'est parce que on ne vit plus selon la pureté. On ne vit plus selon la vérité, on ne vit plus selon ce qui est honorable, selon ce qui est juste. On vit selon notre égoïsme. Moi d'abord. Je me souviens, mes parents ont eu des périodes difficiles dans leur relation où ils se disputaient. Et je crois que s'ils avaient vécu aujourd'hui, ils se seraient séparés. Ils auraient divorcé. Mais à l'époque, on pensait aux enfants. On savait que ça faisait tellement de mal. Et je sais encore, c'est un sujet très délicat dans notre société. Parmi nous, parmi vous, il y a des personnes qui ont connu le divorce en tant qu'enfants, peut-être qu'ils sont eux-mêmes divorcés, remariés. Et il ne s'agit pas de condamner tout en bloc. Mais tous les enfants souffrent d'un divorce. On peut se voiler la face, dire qu'on passe du temps de qualité avec eux, mais ça, c'est du baratin de psychologues non-croyants. Et encore une fois, je sais que de plus en plus, c'est un problème qui nous touche tous. J'étais à l'enterrement d'une personne que je connais depuis 51 ans. J'étais enfant, rassurez-vous, je n'avais pas 14 milliards d'années. Elle avait 4 enfants. En fait, il y avait 2 enfants d'un premier mariage et 2 autres enfants. Et c'est frappant de voir que ses amis d'enfance, ses jeunes amis d'enfance, ont tous connu le mariage, le divorce, le remariage ou la vie en couple. Les enfants, ce n'est pas leurs enfants, c'est les enfants d'un premier mariage qu'ils ont élevés comme leurs enfants. C'est très bien. Mais on voit les ravages que le divorce a accomplis. Alors, il y a des raisons aussi où le divorce est... Et la Bible le dit, si en cas d'infidélité de l'autre, je crois que aussi dans les cas de danger physique, mais de penser que quand le premier amour est fini, on jette et on cherche à retrouver ses émotions, c'est de l'immaturité sociale. Maintenant, on en est au point où on veut légitimer, à coup de décision politique, quelque chose que la Bible appelle une abomination, l'homosexualité, les couples homosexuels, nous ne pouvons pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que nous devons détester les homosexuels. Dans cette famille où j'étais hier, il y a justement un jeune homme qui vit avec un autre, bon, il est plus très jeune, avec un autre homme. C'est la généralisation de je fais ce qui me plaît, que personne me dise comment vivre, même pas la Bible. Encore une fois, les préceptes de la Bible ne sont pas des fardeaux. Si Dieu nous interdit certaines choses, c'est parce qu'il connaît la vie. C'est lui qui l'a créée. Et il veut nous protéger des malheurs. Nous devons aimer les homosexuels. Nous devons leur montrer la plus grande affection, les aider, mais on ne peut pas les laisser dire ou les laisser proclamer que leur style de vie est digne. C'est des choses que je pourrais probablement être poursuivi pour les dire. Voilà où on en est arrivé dans notre société. Pourquoi ? Parce que les filtres, on ne les a jamais utilisés. Maintenant, on nage et on boit de l'eau non traitée. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, nous l'avons vu, ce qui cause des sentiments d'amour, de respect, de tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce que cette chose mérite l'approbation ? Est-ce qu'elle est de bonne réputation ? Un autre filtre, est-ce qu'elle est vertueuse ? Alors ça peut faire le mot vertu maintenant, c'est le vice contre la vertu. C'est un mot un peu vieilli, un peu chargé de clichés. On voit les femmes de petite vertu, on voit les ligues de vertu, des gens très stricts. Non, la vertu, à l'époque, le mot était utilisé pour parler de ce qui était excellent, moralement, mentalement et même physiquement. C'était le centre de la morale grecque de l'époque. Même si c'était une morale païenne, mais il y avait un respect pour ce qui avait de l'énergie vertueuse, qui était excellence, qui montrait du travail à bien faire. Et puis finalement, est-ce que quelque chose est digne de louange ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut recommander ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut dire « Ah ça c'est formidable, ah ça c'est chouette ?» Sinon, on rejette. Et ce qui va arriver, en fin de compte, ce qui va être dans notre tête, ça va être des pensées qui vont nous faire du bien. Parce que la paix de Dieu aura gardé nos pensées, elle va filtrer ces choses et nous allons pouvoir avoir la paix et la joie qui en découle. On a dit que c'était le meilleur, ce passage pouvait être considéré comme la meilleure description de Jésus-Christ. Combien c'est vrai. Mais on pourrait dire aussi, c'est aux antipodes de nos médias, aux antipodes de la télé, aux antipodes des films que nous voyons sur Internet, dans les salles de cinéma. Toutes ces choses ne font pas vendre. C'est pour ça qu'il y a tellement peu de films chrétiens. Ou s'il y en a qui existent dans d'autres langues, elles ne sont pas encore traduites en français. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un public pour ça. Les gens ne veulent pas d'eau distillée, ils préfèrent boire le tout à l'égout. Le tout à penser, le tout à porter, le tout à l'égout. Ce que nous avons dans notre tête, c'est ce qui va déterminer si nous avons la paix. On n'a pas besoin d'avoir de grandes richesses matérielles. Par contre, c'est cette eau pure, cette eau qui est finalement, quand on a filtré tout ça, il ne reste que la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans nos têtes ? Ça, c'est une approche de filtration, mais il y a une approche proactive. Chaque jour, lisons la parole de Dieu. Le matin, ce n'est pas facile toujours de trouver le temps. On est pressé, on est à la bourre, il y a des embouteillages, on doit arriver, on a un rendez-vous spécial. Prenez un calendrier avec juste un verset. Ce n'est pas long un verset à lire. Lisez-le et pensez-y. J'ai un pasteur qui me dit, tous les soirs, il demande à Dieu la faveur de pouvoir rêver de Dieu. Il lit la parole et il dit, Seigneur, je veux penser à toi cette nuit. Si tu me réveilles, je veux prier. Si tu... Donne-moi des rêves de toi. C'est quand la dernière fois que j'ai demandé à Dieu de me donner des rêves de lui. Il y a une attitude encore de... où nous avons un contrôle. Non seulement on filtre ce qui nous arrive, mais on peut diriger nos pensées. Et puis surtout, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Ce n'est pas le tout, encore une fois, de connaître ce dont on vient de parler. Est-ce que je le mets en pratique ? Ou est-ce que tard le soir, je regarde des films que je ne devrais pas regarder, de la pornographie sur Internet, et puis je vais me coucher avec ces images. On dit que c'est surtout un problème pour les garçons, je ne sais pas pour vous les filles, mais c'est vrai que ces images peuvent faire du mal très longtemps. Ces images vous donnent une fausse idée de la sexualité entre hommes et femmes. Ces images vous préparent à bien des déboires et des malheurs. Oh, c'est sûr, sur le coup, ça satisfait des désirs sexuels qui sont normaux, qui sont créés par Dieu. Là aussi, l'idée que la sexualité est une chose mauvaise, c'est du pré-à-penser. La sexualité, c'est une chose fantastique. Comme j'aime à le dire, je pense que c'est une idée de Dieu pour nous donner un aperçu ici-bas de ce que sera une relation d'intimité avec lui. La sexualité, c'est pour permettre à deux personnes de partager une intimité émotionnelle, spirituelle et physique. Et c'est une très belle chose dans le cadre du mariage. Dieu a préparé le mariage, pas pour ceux qui veulent cette option, puissent la choisir. Non, c'est Dieu qui a institué le mariage. Et encore une fois, je sais que aujourd'hui, les jeunes pensent qu'il faut d'abord voir si ça marche. Il faut vérifier la plomberie avant d'acheter la maison. Pour être un peu indélicat. Si vous avez une mauvaise image de Dieu, vous allez faire ces choses. Si vous savez que Dieu est un Dieu qui vous aime et veut vous bénir, il va vous donner la patience d'attendre, de vous réserver pour votre époux, pour votre épouse, et pour la joie et le futur et le bonheur des enfants à venir. Paul, encore une fois, n'hésite pas à dire « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le ». Il n'était pas parfait, il l'a reconnu, mais il était prêt à se dire, si vous essayez de me regarder, essayez de faire ce que je fais, alors vous allez progresser. Je crois que ça nous interpelle tous. Est-ce que si vous me regardez, est-ce que si vous pratiquez ce que je fais, est-ce que la paix de Dieu sera avec vous? Prions. Seigneur, tu vois que c'est un sujet qui nous interpelle tous, Seigneur. Tu nous aimes et tu veux que nous ayons des pensées qui soient vraies, qui soient honorables, qui soient justes, qui soient pures, qui soient aimables, qui méritent l'approbation, qui soient vertueuses, dignes de louange. Seigneur, encore une fois, tu nous rappelles que nous avons un contrôle sur ce que nous mettons dans notre tête et sur comment nous recevons les idées qui viennent frapper à la porte de notre cœur, qui viennent du dehors. Seigneur, je prie que ces filtres, je les mette en place, Seigneur, que nous les mettions tous en place dans notre vie. Seigneur, Paul nous disait que non seulement nous voulons faire le mal, mais nous glorifions ceux qui le font. Et je pense à au succès des films à caractère sexuel ou des films violents, des films où nous vénérons les acteurs qui deviennent des idoles parce qu'ils sont si cool, ils sont si séduisants, ils sont si beaux physiquement. Tu vois combien notre société a été pervertie par l'ennemi, le père du mensonge, celui qui veut détruire, celui qui veut faire du mal, qui veut tuer. Seigneur, touche nos cœurs. Apprends-nous à nous nourrir de bonnes choses, Seigneur. C'est vrai qu'en nous, il y a l'Esprit Saint, il y a la vieille nature, Seigneur. Si nous nourrissons la vieille nature par toutes ces pensées impures, malhonnêtes, fausse, alors elle devient plus forte en nous que l'Esprit, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous promets aussi que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est au dehors, Seigneur. Nous avons la promesse de la victoire. Merci pour ces conseils, ces vérités, Seigneur, et que nous puissions nous souvenir de ces images, de cette eau polluée que nous sommes prêts à boire si facilement. Aide-nous à filtrer et être dans ta parole, Seigneur, ta parole qui est l'eau de vie. Merci pour l'Esprit Saint qui nous reprend, qui nous montre lorsque nous sommes loin de ce que tu attends de nous. Et pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous tous, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne nous préoccupons pas de ce qui est pur dans nos pensées, de ce qui est selon ces huit caractéristiques, Seigneur. Aide-nous tous à grandir ensemble, à être une bonne influence les uns sur les autres, Seigneur. Sois glorifié ce matin dans nos intelligences, dans nos esprits, dans nos cœurs. Par le nom de Jésus. Amen.